بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه حلقة جديدة من هذه السلسلة في الفرق الضالة. Donc on continue cette série de محاضرات sur les sectes en islam. Et aujourd'hui, بإذن الله عز وجل، فمع إحدى هذه الفرق المعاصرة المنحرفة، وهي فرقة الإخوان المسلمين. Aujourd'hui, on va étudier en résumé ce groupe, الإخوان المسلمون، أي les frères musulmans. أما نشأة هذه الفرقة، un bref historique sur l'apparition de ce groupe. أسس حسن البنا جماعة الإخوان عام 1346. حسن البنا، le fondateur de ce groupe, il a fondé ce groupe en 1346, qui correspond à l'année 1928. في بلاد مصر، en Égypte. ثم من عام 1928 إلى عام 1935 استمر في دعوته. ثم au départ, pendant quelques années, il a fait الدعوة، il prêchait. ولم يكن له بتلك المدة إلا القليل من الأتباع. Au départ, ses suiveurs, ils étaient très très peu. ثم بعد ذلك، en 1935, quelques années après avoir fondé ce groupe, il a commencé à instaurer des choses nouvelles. وأسس تنظيمه السري العسكري التنفيذي ودعا رؤساء الأحزاب إلى الانضمام إلى جماعته. ثم après quelques années, il a appelé les autres groupes à le rejoindre et il a fondé cette organisation, الإخوان المسلمون. هذا التنظيم السري pour combattre les gouverneurs et كذلك pour propager ses idées. ثم في عام 1942 رشح نفسه في الانتخابات البرلمانية ثم تنازل بعد ذلك. En 1942, il s'est présenté aux élections البرلمانية du Parlement. ثم il s'est retiré. ورشح نفسه مرة أخرى ثم une deuxième fois en 1944 ولم ينجح في هذه الانتخابات. Et il n'a pas gagné aux élections. فبعد هذه المرحلة بدأت الجماعة في الاغتيالات والمظاهرات والتفجيرات. Après avoir échoué aux élections, cette organisation al-Ikhwan, هذا التنظيم السري, ils ont commencé à faire des attentats. كذلك مظاهرات, des manifestations. كذلك اغتيالات, des assassinats. Certains hommes politiques et tous ceux qui se sont opposés à Hassan al-Banna et son groupe lors de ces élections. وبعد هذه الجرائم صدر أمر رئاسي عام 1948. Après toutes ces tueries, هذا الفساد, tous ces crimes, صدر أمر رئاسي, le gouvernement égyptien, en 1948, ils ont officiellement annoncé que le groupe جماعة الإخوان في جميع بلاد مصر doit être dissous. أي الحكومة, le gouvernement égyptien n'acceptait plus cette organisation. قال ولا إثري ذلك قام التنظيم الخاص للإخوان بتكفير الحكومة المصرية واستحل الدم حاكمها. ثم بعد ذلك cette organisation, ils n'ont pas obéi bien sûr, بل ils se sont révoltés et ils ont émis des fatwas comme quoi le gouverneur égyptien, ce n'est pas un musulman, c'est un kafir. Et bien sûr, ils ont appelé à tout ce que ça implique comme conséquence. Min qatl wa tafjir, etc. Comme révolution, assassinat, ila akhiri. Falamma ishtaddat al-fitan, arada Hassan al-Banna ala al-hukuma al-tanazul. Cette période qui était très très difficile pour al-Ikhwan, ils n'ont pas réussi à renverser le gouvernement. Hassan al-Banna, le fondateur, il a demandé al-tanazul. Il a proposé au gouvernement de se retirer de la vie politique et de se consacrer qu'à la da'wa. Et كذلك, il se retire dans un endroit calme, ce que le gouvernement, à son époque, ils ont refusé. Tous ses alliés l'ont délaissé. Et كثير منهم, ils se sont enfuis et ce groupe, il n'avait plus aucun impact. ولله الحمد. وفي عام 1949 أطلق على حسن البنا عدة رصاصات. En 1949, Hassan al-Banna, il a été assassiné. Il s'est fait tirer dessus plusieurs fois. بالقاهرة فمات بسببها. Et cet assassinat, c'était au Caire, la capitale de l'Égypte, et il est mort après cette fusillade. ثم خلفه بعد ذلك حسن الهضيبي ثم بعده عمر التلمساني ثم حامد ابو النصر ثم مصطفى مشهور d'autres. هؤلاء c'est قادات الإخوان après حسن البنا. Après la mort du fondateur, ses suiveurs, ses principaux alliés, ils ont repris la présidence de l'organisation du groupe après lui. وبعد ذلك, une autre marhala dans l'histoire des Ikhwan, une autre étape quelques années après, l'arrivée de Sayyid Qutb. فأسس تنظيما سريا جديدا. Il a instauré une autre organisation secrète pour combattre toujours le gouvernement égyptien en 1965. ثم بعد ذلك, quelques temps après, il s'est fait arrêter et il a été condamné à mort en 1966. فهذا باختصار, c'est un bref résumé de cette organisation, de cette secte, Al-Ikhwan Al-Muslimun. Aïe, l'instauration du groupe, thumma, la chute du fondateur, thumma, l'assassinat de Sayyid Qutb. Et des livres, ils ont été écrits, vihada, pour celui qui veut raji' et qui veut détailler, hada. Léana, c'est très très important de connaître l'histoire des groupes égarés. Hatta ta'lam, c'est qui le fondateur, il se basait sur quoi, il appelait à quoi, c'était quoi ses objectifs. Après ذلك, akhi al-karim, tu auras beaucoup plus de facilité à comprendre leur démarche, leur but, à quoi ils appellent. Ila akhiri. Wa istafadna hadha at-tarikh al-mukhtasar min kitab الإخوان المسلمين أو الإخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي. Un livre طيب sur الإخوان. أما رؤوس وقادات هذه الجماعة, on a cité le fondateur Hassan al-Banna, كذلك on a cité Sayyid Qutb et on a cité ceux qui ont pris la relève après Hassan al-Banna, الهضيبي والتلمساني ومصطفى مشهور etc. Et غيرهم من قادة الإخوان, أي parmi leurs guides, parmi leurs représentants, parmi leurs imams, le frère de Sayyid Qutb, Muhammad Qutb المنحرف, كذلك on peut citer Abu الأعلى المودودي, et il est connu, c'est من كبار الإخوان, كذلك محمد الغزالي, et كذلك à notre époque ou de nos jours, يوسف القرضاوي المنحرف الضال, كذلك عبد المجيد الزنداني ويمن, وهكذا سلمان العودة عن عربي سعودية, ونبيل العوضي ومحمد العريفي وغيرهم من دعاة الشر والضلال. هؤلاء رؤوس الإخوان ويفون بارتي دو رؤوس الإخوان parmi leurs guides, parmi leurs imams. فاحذر, on doit mettre en garde contre Ahaoula, لماذا؟ لأنهم سددعاة فتن وضلال. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا بيان حال هؤلاء et à quoi ils appellent. Le premier أصل, le premier fondement qu'on peut citer de cette jama'a, après avoir cité un bref historique et des personnalités de ce groupe parmi leurs imams et leurs guides, on peut citer les fondements de هذه الجماعه. Avant de citer le premier fondement, on fait un tambih, une remarque. Huna, أن في هذا البحث, dans cette recherche, عن الإخوان المسلمين, ما سنفصل في بيان عقيدة هؤلاء. On va pas détailler dans la réfutation de la croyance des إخوان. لماذا؟ لأن كما قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه, ليس للإخوان عقيدة غير عقيدة الأشاعرة. هؤلاء sont على عقيدة الأشاعرة. الإخوان, ils ont pas une عقيدة, une croyance spécifique à eux. Là, dans la croyance, ils n'ont pas fait d'efforts, ils n'ont pas fait de recherche. في هذا, بل ils ont pris عقيدة الأشاعرة. ففي الأسماء والصفات, c'est des أشاعرة. On verra que par rapport au gouverneur, c'est des خوارج. وهكذا استفادوا من أسلافهم من أئمة الضلال. ونحن, dans ce بحث, on va se consacrer sur d'autres points. Sur manhaj al-ikhwan, à quoi ils appellent, leurs égarements dans la da'wa et autres. Wa illa va, alhamdulillah, ensemble, on a expliqué et on a détaillé qalilan ma yata'allaq bi al-ash'ira dans un cours précédent de cette série, wa alhamdulillah. Amma, le premier fondement qu'on peut citer via hadhihi al-kalima, et c'est أصل ومبدأ هذه الجماعة, جماعة الإخوان المسلمين, c'est أصل التجميع. التجميع, c'est le fait de rassembler. قال حسن البنا كما في مجموع رسائل حسن البنا, وأهم ما يجب أن يتوجه إليه أهم المسلمين الآن توحيد الصفوف وجمع الكلمة, ما استطعنا إلى ذلك سبيلا والله حسبنا ونعم الوكيل. Ça c'est leur principal fondement. Et ils avaient comme objectif de rassembler. On répète, Tawhid al-Sufuf wa Jam'u al-Kalima. Et de rassembler al-Muslimoun. C'est pour ça qu'ils ont donné ce nom à cette jama'a, à ce groupe, al-Ikhwan al-Muslimoun. Wa qala aydan, comme avait Majallat al-Muharrar en 1994, wa al-Hadaf huwa tajmi' al-Nas ala i'adati ahkam al-Islam. C'était ça leur principal but. Le fait de se rassembler. Ils ont une règle. Et c'est la base de ce groupe. Et cette règle, Donc, ne pas comprendre, ils appelaient à se rassembler sur la vérité, autour du tawhid, autour de, ou plutôt en suivant la voie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, comme a dit Allah azza wa jalla, wa'tasimu bihablillahi jami'an, wa la tafarraqu. Fata'ammal qawlahu azza wa jalla, wa'tasimu bihablillah. On doit tous se rassembler et se cramponner à hablullah, et la vérité, le Coran, le sunnah, l'islam, l'aqida, la foi, l'iman. أما هؤلاء فالتجميع عندهم لغرض. Ils ont un objectif, هما de se rassembler. نجتمع فيما اتفقنا عليه. أي, leur but c'est de se rassembler sur quoi on est d'accord. أي, tous les groupes. أهل السنة والصوفية والإخوان والشيعة والخوارج والمعتزلة والأشاعرة. Tous les groupes. نجتمع فيما اتفقنا عليه. ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. On se rassemble sur quoi on est d'accord, et sur nos divergences, sur nos désaccords, يَعْذُرُوا بَعْضُنَا بَعْضًا. يَعْذُرُوا, ça vient de l'udhr, et on trouve des excuses. Et tu n'as pas besoin de corriger ton frère, tu n'as pas besoin de le réprimander, de le réfuter. كُلْ وَاحِدْ, chacun il reste sur ses positions. لَكِنْ on se rassemble. Et هذا, c'est très très grave. وَحْدَةُ الصَّفْ, là, وَحْدَةُ الرَّأِي. وَحْدَةُ الصَّفْ, et on forme un rang. Et ça implique pas qu'on est tous du même avis. Et هذا, c'est très très grave. قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا. Donc on doit se rassembler sur la vérité. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى الإخوان المسلمون ينطلقون من هذه القاعدة. Cette قاعدة qu'on vient de lire. نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. العلماء يلقون قاعدة المعذرة والتعاون التي وضعها لهم رئيسهم الأول أي حسن البنا. C'est lui qui a cité cette règle. Et en الحقيقة il l'a pris de d'autres. إلا بعض أهل العلم يقولون أن le premier qui a cité cette règle c'est صاحب المنار محمد رشيد رضا. قال وعلى إطلاقها أي نجتمع فيما اتفقنا عليه على إطلاقها sans condition. L'essentiel c'est de se rassembler عندهم même si on n'a pas la même croyance, même si on n'est pas d'accord, même si on n'a pas les mêmes principes. قال وكذلك لا تجد فيهم التناصح. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال الدين النصيحة. Entre frères, on doit se corriger. Entre musulmans, on doit se montrer la vérité. Ah, mais je me tais et tu te tais. L'essentiel, c'est le nombre. L'essentiel, c'est de former un groupe. Enfin, c'était pas هكذا la da'wa des prophètes alayhim as-salat wa salam. Mais les prophètes alayhim as-salat wa salam, ils ont tous appelé à la vérité. Ils ont tous appelé au tawhid. Walillahil hamd. Et ça a fait une communauté qui a été rassemblée autour de ce tawhid, en suivant la voie du messager alayhi salatu wassalam, contrairement à ce groupe. ثم قال الشيخ الألباني هذه العبارة هي سبب بقاء الإخوان نحو 70 سنة بعيدين فكريا عن فهم الإسلام فهما صحيحا. C'est pour ça que le Cheikh Al-Albani rahimahullah, à son époque, ce groupe, on a dit que ce groupe il a été fondé en 1920, à peu près 1928. Donc à l'époque de Cheikh Al-Albani, ce groupe, il avait 70 ans. Et ma'ahada, ils n'avaient pas encore compris l'islam fahman sahihan. L'islam que les sahaba radiyallahu anhum, ils ont suivi et appliqué. Et à notre époque, كذلك, 30 ans après l'an, ce groupe, ça fait presque un siècle qu'il a été instauré. Et neuf ces chais, ils n'ont pas encore compris l'islam et ils ne veulent pas le comprendre. Ils combattent ceux qui propagent l'islam al-sahih. قال وبالتالي بعيدين عن تطبيق الاسلام عمليا لان فاقد الشيء لا يعطي. Celui qui ne connaît pas une chose, qui ne possède pas une chose, il ne peut pas la donner aux autres. فلا تغتر بدعوة الاخوان. انهم ils appellent au rassemblement, ils appellent à propager l'islam. والله tout ça c'est du كذب. Ils ont un غرض, ils ont un objectif précis كما سياتي معنا, c'est d'arriver au pouvoir. لا غير. Mais l'islam, ça passe au second plan. عندها أولى. وقال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قوله نتفق أو نتعاون فيما اتفقنا عليه. قال الشيخ رحمه الله فلا, لأن الله عز وجل يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم. أي قوله نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أي on doit s'excuser, on doit pas se faire de reproches. هذا c'est pas صحيح. الله سبحانه وتعالى قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. Si vous divergez sur une chose, فحكمه إلى الله. Le jugement il appartient à Allah. Et on doit revenir au livre d'Allah سبحانه وتعالى et à la voix de son messager. قال وقوله أي قول هؤلاء الإخوان وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه باطل, لأن من المختلف ما لا يجوز أن يعذر عليه صاحبه كما هو معلوم من الشرع. كذلك أن certaines choses, bien sûr que certaines choses, خلاف بين المسلم مع أخيه dans une مسألة فقهية, ou que les savants ils ont divergé, ou que on peut comprendre la preuve de différentes façons et les savants ils ont divergé, فهذا الحمد لله. On va pas mettre en garde pour cela. Mais certaines choses, ça n'accepte pas la divergence. مثلاً واحد يقول الله سبحانه وتعالى il est au-dessus des cieux, الرحمن وعلى العرش استوى. Et واحد يقول بعقيدة الاتحاد والحلول أن الله سبحانه وتعالى il est partout. Est-ce qu'on va dire dans ce cas, on s'excuse, on n'a pas besoin de montrer, de réprimander? أبداً. كذلك السني respecte الصحابة رضي الله عنهم, il les aime. Et الشيعي الرافضي il insulte الصحابة رضي الله عنهم et il les déteste. Et il les fait sortir de l'islam. Est-ce que dans ce cas, on va dire « Ya'adhuru ba'aduna ba'adhan fi makhtalafna fiyya »« Fana'oudu billah min al-dalal » قال الشيخ رحمه الله كما هو معلوم من الشرح انتهى. فهذا هو أصل هذه الفرقة الضالة, التجميع وعدم التمييز بين الحق والباطل. C'est ça le fondement de ce groupe. se rassembler. C'est pour ça que tu trouves fi awind haula, que ce soit en Égypte, que ce soit dans d'autres pays musulmans, que ce soit en Europe, que ce soit en Occident, muhim, partout, ils appellent au rassemblement et dans leur groupe, tu trouves de tout. Wallah, ils sont arrivés à un point, comme Azayati Ma'ala, Hatta al-Kafara. Hatta al-Kafara, min Yahoud wa al-Nasara, si ils sont d'accord avec eux pour rentrer dans l'organisation, dans le groupe, ils les acceptent. Même si c'est des kafara, même si c'est des mécréants, on a oudou billah. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى جماعة الإخوان من دخل معهم فهو صاحبهم يوالونه ومن لم يكن معهم فإنهم يكونون على خلاف معه. Ça, ça nous montre أن هذا الاجتماع, le fait de se rassembler, c'est basé sur les passions عند الإخوان. Si tu es d'accord avec eux, ils t'accepteront et t'élèveront, même si tu es un égaré, même si tu n'es pas sur la vérité. قال اما لو كان معهم ولو من اخبث خلق الله او ريبيت سون كلام جماعه الاخوان من دخل معهم فهو صاحبهم يوالون ومن لم يكن معهم فانهم يكونون على خلاف معه. اما si tu n'es pas d'accord avec eux et tu n'acceptes pas de te rassembler sur l'égarement معهم, ils te prendront comme ennemi, même si tu es sur la vérité. بل même si الانسان c'est un savant parmi les savants de l'islam. قال اما لو كان معهم ولو من اخبث خلق الله ولو كان من الرافضه فانه يكون اخاهم ويكون صاحبهم ولهذا من مناهجهم انهم يجمعون من هب ودب. اما si il est avec eux et ils ne le refutent pas, et eux كذلك ils ne vont pas le refuter, et chacun il accepte l'autre avec ses principes corrompus, avec ses égarements, عندهم c'est, ça sera une personne qui est avec eux. Même, comme a dit le shir, même si c'est min akhbath khalqillah, même si c'est un rafidi qui insulte les compagnons, qui accuse Aïcha radiallahu anha, qui prétend que le Coran il a été falsifié, il a akhiré. Wa taqaddamat ma'ana dhalalat ar-rafida plusieurs fois. Fa ha'oula, ils prétendront que c'est leur frère. Wal ikhwan tabaqu hadhihi al-qa'ida al-fasida ma'a أبغض خلق الله اليهود والروافض أخزاهم الله. الإخوان ils ont mis en application jusqu'à aujourd'hui cette règle, même avec les pires ennemis de l'islam, اليهود والنصارى et كذلك الروافض. تأمل إلى هذا هذه النقولات, certaines paroles qu'on a rapportées de هؤلاء, de leur livre, ça c'est من كلامهم بالنص, on a recopié leur paroles à la lettre. قال حسن البنا كما في كتاب أحداث صنعة التاريخ إن خصومتنا لليهود ليست دينية. كلامي واضح لك لا. إن خصومتنا لليهود أي leur problème qu'ils ont avec les juifs c'est pas par rapport au din, c'est par rapport à quoi. وقال كما في كتاب مواقف في الدعوة وليست حركة الإخوان المسلمين حركة طائفية موجهة ضد عقيدة من العقائد أو دين من الأديان أو طائفة من الطوائف. Ça, ça nous montre أن هذه الجماعة, ce groupe, même s'ils font croire aux autres أنهم c'est un groupe pour propager l'islam إلى آخره, والله أن leur but c'était pas دين الله عز وجل. المؤسس, le fondateur صرح أن ليست حركة الإخوان المسلمين حركة طائفية موجهة ضد عقيدة. Hey, c'est pas un groupe qui va prendre comme ennemi par rapport à la croyance. Là, ça nous montre quoi? Que la croyance pour eux, c'est pas la base. Et peu importe ta croyance. عندهم, c'est pas l'essentiel. وعلى هذا المنهج التجميعي التمييعي صار الأتباع. On a cité deux paroles de Hassan al-Banna et كذلك les suiveurs. هذا الهضيبي. Et تقدم معنا الهضيبي, c'est celui qui a pris la place de Hassan al-Banna après son assassinat. من كبار قادة الإخوان. قال dans un لقاء مع مجلة المحرر إذا قبل واحد من الأقباط أي les chrétiens أي les coptes qui sont en Égypte مبدأنا نرشحه فورا على قوائمنا ونحن لا نطلب منه بطبيعة الحال أن يكون مسلما. Tant ce chrétien il accepte les principes du groupe, même si ça reste un chrétien, même s'il ne se convertit pas à l'islam, ils l'accepteront dans leur groupe. بل ils leur ont donné des places, des responsabilités. Alors que أهل السنة, السلفيون, علماء وعوام السلفيين اللي كومبات. وعامة السلفيين plutôt اللي كومبات. وقال أيضا أي الهضيبي dans le même, la même source et dans le même journal, ليس الدين مانع أو ليس لدينا مانع أن يكون القبطي أي لكبت عضوا في جماعة الإخوان. نعم, il n'y a aucun مانع عندهم. Pour eux, il n'y a pas de mal qu'un chrétien il ait une responsabilité dans leur groupe. Et ça devient un membre de leur organisation. وقال يوسف القرضاوي جهادنا مع اليهود ليس لأنهم يهود ولا نرى هذا نحن لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة. Vous avez remarqué le même كلام que المؤسس, que le fondateur. Et هذه الكلمة معروفة عند كثير من الإخوان. أن يوسف القرضاوي إلى صرح أن leur animosité qu'ils ont envers les يهود, c'est pas par rapport au din, c'est pas par rapport à la croyance. C'est là. قال إنما نقاتلهم من أجل الأرض. لماذا ils appellent à combattre les juifs? C'est que pour la terre. أي le conflit palestinien. ولا نقاتل الكفار لأنهم كفار وإنما لأنهم اغتصبوا أرضنا وديارنا. Contrairement à la da'wa du prophète عليه الصلاة والسلام. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il appelait les autres avant de faire le jihad à da'wa, au tawhid, à l'iman billah azza wa jal. Thumma, il combattait par rapport à هذا المبدأ العظيم. Aïe, à tawhid wa l'iman. Amma ha'oula, c'est que de la politique. Que de la politique, et cette politique, elle contredit les fondements de notre din. Amma as-siyasa shar'iyya du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ils sont très très loin. وقال القرضاوي في برنامج الشريعة والحياة أقول إخواننا المسيحيون البعض ينكر علي هذا أي هنا إلى ديمونترنا المسيحيون أي الكريتيان النصارى سي فخير ثم قال البعض ينكر علي هذا اي سيغتان يلون روبروشي هذا اي بحق إنما المؤمنون إخوة ceux qui sont frères c'est les croyants les musulmans ceux qui ont accepté le message du prophète محمد عليه الصلاة والسلام أما النصارى فسد مشركون كفرة il n'y a aucun doute sur cela. قال البعض ينكر علي هذا كيف أقول إخواننا ثم قال إنما المؤمنون إخوة هكذا أهل الباطل أنهم يسد preuves pour argumenter leur position et ce sur quoi ils sont avec des textes du Coran alors que le verset du Coran il n'a rien à voir avec ce principe باطل. إنما المؤمنون إخوة c'est ceux qui ont accepté l'Iman la da'wa du prophète عليه الصلاة والسلام pas les chrétiens قال نعم نحن مؤمنون وهم مؤمنون بوجه آخر مؤمنون بالجبت والطاغوت نعم أشركوا بالله عز وجل leur إيمان il est d'aucune utilité النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم il les a maudits الله سبحانه وتعالى il les a maudits في القرآن لكن on revient à المبدأ, les principes. Celui qui ne donne pas d'importance à l'aqida, ربما عيادن بالله, il acceptera ou il ne rejettera pas, il ne comprendra pas la gravité de هذا الكلام. وسئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عمن يقول إن خصومتنا مع اليهود إلى آخره الكلام كما ينسيته فقال رحمه الله هذه مقالة خبيثة. هكذا أئمة السنة شيخ بن باز رحمه الله من أئمة العقيدة السلفية يدري beaucoup d'importance فكانت ils informé أن البعض يقولون هذا أن notre خصومة les problèmes qu'on a avec les juifs c'est pas par rapport à la religion par rapport à la croyance c'est que par rapport à la terre فقال هذه مقالة خبيثة اليهود من أعداء الناس للمؤمنين نعم من ألد الأعداء ils font partie de ceux qui combattent le plus المسلمين إلى آخره وقال المحدث أحمد شاكر رحمة الله عليه كما في كتاب شؤون التعليم والقضاء حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين هذه شهادة ثقة عالم كذلك d'une personne qui connaissait l'Ikhwan. Ahmed Shakir, rahmatullah alayhi, c'est un Égyptien. Et il connaissait très très bien ce groupe. Et Huna, il a informé Anna, هذه الجماعة الإجرامية ينفق عليها, elle est financée par qui? Par الشيوعيون, les communistes, et les Yahoud, et les Juifs. C'est pour ça que tu trouves عداوتهم, c'est pas contre les Juifs. Leur animosité, leur haine, c'est pas contre les Juifs. C'est pas contre les kafaras, c'est pas contre ceux qui combattent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, min rawafid wa zanadiqa. Là, leur combat, c'est contre qui? C'est contre les gouverneurs musulmans et contre ulama al-sunna. وقال حسن البنا في ذكريات لا مذكرات الخلاف بينهما أي السنة والشيعة فهو في أمور من الممكن التقريب فيها بينهما ثم بعض النقولات أي la position de après avoir cité leur position face aux juifs et aux chrétiens leur position par rapport aux rawafid فقال هنا أي le خلاف qu'il y a entre nous c'est pas grand chose. الخلاف بينهما أي السنة والشيعة الروافض في أمور من الممكن التقريب أي c'est possible de se rassembler أي c'est pas grand chose والله المستعان. وقد تقدم معنا في بيان ضلالات الرافضة دي طامات كفريات الزندقة واضحة طعن في القرآن طعن في الصحابة رضي الله عنهم الشرك بالله عز وجل etc. مع هذا اسمع إلى كلام هؤلاء. قال عمر التلمساني وهو المرشد السابق للإخوان عندي قيد parmi leurs guides في مجلة الدعوة قال التقريب بين الشيعة والسنة واجب الفقهاء الآن أي c'est une obligation pour eux de rassembler entre السني والشيعي. ومحمد الغزالي قال dans son livre كيف يفهم الإسلام فإن الفريقين أي السنة والشيعة الروافض يقيمان صلتهما بالإسلام على الإيمان بكتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتفقان اتفاقا مطلقا على الأصول الجامعة في هذا الدين. Ça prouve que هؤلاء ils ont pas compris العقيدة. Ils ne veulent pas la comprendre. لماذا؟ لأنه يقول بكل صراحة هنا أن la divergence qu'il y a entre السنة والرافض الشيعة c'est dans des choses autres que les fondements. Et pour lui, les fondements dans la aqidah, dans la foi, c'est les mêmes. Là, c'est un kalam ajib. Et leurs insultes contre les sahaba, leur takfir, leur accusation de Aïcha, leurs accusations contre Amir al-Mu'minin, Uthman ibn Affan, bel ta'nuhum, ou takfiruhum li Abi Bakr ou Umar, hada, c'est pas min al-usul. Ça fait pas partie des fondements inda haoula. Wa qala al-Mawdoudi, في كتاب الشقيقان المودودي والخميني وثورة الخميني ثورة إسلامية والقائمون عليها هم جماعة إسلامية. Ça résume tout ce qu'on vient de voir. أن هؤلاء ils étaient très très proches de الرافضة. Et jusqu'à aujourd'hui. فلهذا أثنوا ils ont félicité الخميني quand il a fait la révolution en Iran. وثورة الخميني ثورة إسلامية والذي يقرأ انحرافات وضلالات الخميني il va s'apercevoir et il aura la certitude que هذه الجماعة جماعة الإخوان c'est une جماعة الضل. لماذا؟ لأن celui qui prétend que الخميني sa révolution c'est une révolution islamique et أنه il avait des principes islamiques et أنه il a appelé à l'islam, إما il connaît pas الخميني إما il connaît pas l'islam. Et هؤلاء il connaissait très bien الخميني, il connaissait très bien sa position. لماذا؟ لأن الخميني montré clairement ses égarements. لكن مع هؤلاء أثنوا عليه. فطبقوا هذه القاعدة. يتعاونون مع الروافض ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه. الروافض ils ont accepté الإخوان, الإخوان ils ont accepté الروافض. فلهذا tu trouves إلى يومنا هذا أن الروافض يمجدون جدا بعض قادة الإخوان. سيد قطب et autres. Sayyid Qutb al-Ikhwani, il a une énorme place en Iran, عند الروافض. Ça montre quoi? Ça montre que les deux groupes ils avaient des liens et ils se sont acceptés les uns les autres. Et ça montre, ça suffit pour montrer leurs égarements. Amma celui qui aime Ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'accepte pas que les épouses du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam soient accusées à tort. Khasatan Aisha radiyallahu anha, c'est elle qu'ils accusent à Da'ullah. Enfin, celui qui a l'iman et qui aime l'islam, il n'acceptera pas de se rapprocher de Ha'oula. On peut citer كلام العلامة حماد الأنصاري رحمه الله تعالى قال كما في المجموع إن الإخوان المسلمين من أنصار الخميني والروافض. هذا un résumé طيب, اختصار طيب de ce fondement. إن الإخوان المسلمين من أنصار الخميني والروافض. الأنصار c'est celui qui secourt. هؤلاء c'est أنصار الخميني والروافض. Et on répète هذا. Ce premier point, il suffit pour montrer leur égarement. Tu les trouves avec toutes ces faiblesses. Ils ont accepté les égarements de Ar-Rawaf, des juifs, des chrétiens. Ils se sont rassemblés avec eux. Ils ont appelé à se rassembler avec eux. Tu les trouves, il y a celui qui les critique ou qui ne les suit pas, il le déteste et il le combat. Mais quand c'est fait Al-Qur'an et par rapport aux compagnons du prophète Aïssa al-Salam, comme taqaddam, pour eux, il faut s'excuser. Il y a un peu de temps pour nous, il y a un peu de temps pour nous. Ali Ashmawi, qui est un peu dans son livre Tariq al-Sirri, les jama'at al-Ikhwan, تأتي بعد ذلك مرحلة أخرى هي مرحلة المفاصلة وهي أن يقف رجالات هذه الدعوة ويفاصل المجتمع ويقول إن هذه طريقنا وهذا طريقكم فمن أراد أن يلحق بنا فهو مسلم ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر يوالون ويعادون par rapport au حزب par rapport à la jamaa par rapport au principe de Hassan al-Banna pas par rapport à la vérité أما السني celui qui suit la vérité فَيُوَالِي وَيُعَادِي فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلِ par rapport à la vérité. Mais هؤلاء, si tu es avec eux, ils t'accepteront et ils t'élèveront au-dessus de ta place, au-dessus de la place que tu mérites, Rubbama, en exagérant. Et celui qui se met en travers de leur chemin, qui met en garde et qui les réfute, comme on dit ici, فَقَدْ حَكْمَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْكُفْرِ تَكْفِرْ وَاضِحِ. Pour eux, Rubbama, c'est plus un musulman. C'est pour ça que يكفرون الحكام les gouverneurs musulmans et هكذا يحاربون علماء الملة ولا شك ولا ريب أن الذين يقفون ضد هذا المنهج الخبيث منهج الإخوان هم أهل الحق والسنة. Ça, y a aucun doute أن ceux qui s'opposent et qui réfutent منهج الإخوان c'est السلفيون أهل السنة. قال الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله في تحفة المجيب الإخوان المسلمون فهم مستعدون أن يتعاونوا مع الشيطان على أهل السنة. الشيخ مقبل رحمة الله عليه il avait beaucoup de خبرة beaucoup de connaissances sur ce groupe. Il a beaucoup réfuté, beaucoup mis en garde. لماذا لأنه connaissait leur شر. C'est un groupe très très dangereux. فلهذا قال مستعدون, ils sont prêts. Ils sont prêts à s'entraider avec le shaitan contre Ahl-Sunna, contre les gens de la vérité. Avec Al-Rawafid et avec les Yahoud et avec les Nassara. Et là, chacun de ces c'est min shayatin al-ins, atba'a Iblis. كفانا الله شرهم. ومن أصول هذه الفرقة الضالة الدعوة إلى إقامة خلافة إسلامية. Et ça, كذلك, ça fait partie de leur fondement. Leur da'wa, elle est essentiellement basée sur ça. Le fait de rassembler le plus de monde, ثم de fonder un خلافة, un état islamique. قال أبو الأعلى المودودي في الأساس الأخلاقية غاية الدين الحقيقية إقامة نظام الإمام الصالح الراشد. C'est ça le fondement du din عندهم. غاية الدين الحقيقية, le principal objectif de notre din, إقامة نظام الإمام الصالح الراشد, c'est le fait d'instaurer نطاق إسلامي. هذه الطريقة ليست طريقة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. C'est pour ça qu'on conseille nos frères أن لا نغتر, qu'on fasse attention ces mots. Le fait d'appeler un État islamique بعض الناس au départ ou à cause de l'ignorance, ils ne voient pas le mal. لكن هؤلاء, ils ont des intentions et des idées من وراء ذلك. Et pour pouvoir comprendre هذا, on doit revenir à دعوة الأنبياء والمرسلين. Est-ce que les prophètes et les messagers, au départ, ils ont appelé directement à instaurer un État islamique? Abadan. Le prophète, alayhi salatu salam, il a fait da'wah à Mecca. Et Mecca, c'était une ville à l'époque où il y avait Kuffar Quraysh. Et un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait da'wah, wasat ha'oula. Et il a appelé à ماذا? Il a appelé au tawhid, قال الله عز وجل, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا, وما أرسلنا من قبلك من رسول. إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فسدعوة جميع الأنبياء appelé au tawhid. ثم le reste ça vient après. أما la base c'est التوحيد. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il a fait دعوة pendant des années. ثم quand il a fait الهجرة à Médine et Allah سبحانه وتعالى هدى كثيرا من الناس. ثم ولله الحمد l'état de Médine il a été instauré بإذن الله عز وجل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ils ont appliqué le jihad إلى آخره. أما هؤلاء ils ont délaissé la voix des prophètes عليهم الصلاة والسلام et ils appellent au rassemblement, ils s'est tout mélangé مع اليهود مع الروافض إلى آخره. Ils ont délaissé la base de l'islam et ils appellent à fonder un état islamique. Un état islamique sur quoi? Ça va se baser sur quoi? Et كذلك هذا ça montre أن عندهم tous ces pays الآن مسلم عندهم c'est pas des pays مسلم كما سيأتي معنا. وهذا المنهج المنحرف دفع الإخوان إلى مخالفات كثيرة. Ce principe, ce fondement, le fait que la base, ça devienne l'instauration d'un État islamique en négligeant le tawhid, ça a eu pour conséquence des choses très très graves. Parmi ces choses, الثناء على أعداء الله, الروافض, لمجرد إقامة الدولة. فتأملوا الآن le lien. عندهم, pourquoi ils ont accepté الثورة, ثورة الرفض والزندقة, la révolution de l'Khomeini. لأن عندهم الخميني il a instauré un état. Pour lui un état islamique. Et c'est un état d'hypocrite et de zanadiqa. Alors, il n'y a aucun doute. فعندهم, vu que la révolution elle a réussi et cet état il a été instauré, pour eux c'est la guidée. Ah, c'est très très rare. Ils auraient compris le tawhid, ils auraient su que Al-Khomeini c'est un mushrik qui appelait au shirk. Ou Al-Rawafid c'est des zanadiqa qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Min a'immat ahlil bayt, etc. Ils auraient compris ça, ils auraient su que l'état c'est pas la base. La base c'est le tawhid. كذلك الخروج على حكام المسلمين من أجل إقامة الخلافة زعموا. هذا كذلك c'est un point important. لأن عندهم, vu qu'il n'y a pas de pays musulman, il n'y a pas d'État islamique, donc pour eux, ça autorise de se rebeller contre les gouverneurs. Pour eux, c'est plus des musulmans, pour instaurer un État islamique. Et là, c'est très très grave. On n'a pas le droit de se rebeller contre les gouverneurs musulmans. وسيأتي هذا إن شاء الله. كذلك, le troisième point, إهمال أهم الأبواب وترك دعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. Le troisième point, أن ils ont délaissé le tawhid. Au lieu d'appeler le tawhid, au lieu d'éduquer les jeunes et l'umma islamia au tawhid et mettre en garde contre le shirk, ils ont délaissé tout cela. Ils se sont concentrés sur l'instauration de cet état. Ils se sont occupés par la politique. Une politique qui n'est pas fondée sur le Coran ou le Sunna. Ils se sont égarés et ils ont égaré beaucoup de monde. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كما في تحفة المجيب أصل دعوة الإخوان المسلمين دعوة قبورية. C'est pour ça que أصل دعوتهم, la base de leur دعوة, c'est une دعوة قبورية. قبورية, ça vient de القبور. أي أن المؤسس lui-même, le fondateur lui-même, il avait des problèmes في التوحيد. قال حسن البنا كما في مجموع رسائل حسن البنا عن دعوة الإخوان المسلمين. تأمل il a expliqué en quelques mots c'est quoi sa da'wa. Qala innaha da'watun salafiyya. C'est une da'wa salafiyya pour lui. Wa tariqatun sunniyya. C'est une voie de la sunna. Wa haqiqatun sufiyya. Amma al-haqiqa, c'est at-tasawuf. Et on a détaillé walillahi al-hamd cette secte, ce groupe as-soufiyya. Qala wa hay'a siyasiyya ila akhir. Wa qala Hasan al-Banna kadhalik fi mudhakkirat ad-da'wa wad-da'iyya, nazaltu Damanhur. C'est une ville donc en Égypte. Mushayyan ou mushbi'an bil fikrati al-hasafiyya. Hasan al-Banna, c'est un hasafi. Ay al-hasafiyya, c'est une confrérie parmi les confréries soufis. Qala wa Damanhur dharih al-Sheikh al-Sayyid Hussein al-Hasafi. قال شيخ الطريقة الأولى. Donc cette ville, il y a le mausolée de هذا الولي الحصافي. قال وفيها النخبة الصالحة من الأتباع الكبار للشيخ فكان طبيعيا أندمج في هذا الوسط وأنا أستغرق في هذه أو في هذا الاتجاه. Donc pour lui c'était normal de vivre avec eux, de côtoyer هؤلاء الصوفية. لماذا؟ لأنه il faisait partie de هؤلاء. Il faisait partie de lui-même, il l'a dit, la sad'wa haqiqatuha, c'est as-soufiyya, haqiqatun soufiyya. Wa qala aydan fi nafs al-masdar wa kunna fi kathir min ayyam al-jam' naqtarih rihla li ziyarat ahad al-awliya. Il rend des visites à ces mausolées. Et ça, c'est pas mashrou'. Ça contredit la da'wa des prophètes alayhim as-salatu wassalam. Ça contredit at-tawhid al-khalis. Khasatan si al-insan iyadan billah, il fait des adorations pour hada al-dharih. La shakana, c'est encore plus grave. وكان يقول من عاداتنا أن نخرج في ذكر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. Et كذلك, il se rendait dans ses mausolées quand c'était la période du Mawlid. Pour fêter la naissance du prophète عليه الصلاة والسلام. Et هذا لا شك أنه سمن عادات الصوفية. قال بعد الحضرة كل ليلة من أول ربيع الأول إلى ثاني عشر منه ننشد القصائد المعتاد في سرور كامل وفرح تام. Il participait à la lecture de certaines poésies dans ses mausolées. On peut citer un vers de poésie pour montrer l'égarement sur quoi il était هذا الرجل حسن البنا, et pour montrer que كلام الشيخ مقبل رحمه الله عليه أصل دعوة الإخوان المسلمين دعوة قبورية. C'est la parole d'un imam qui avait connaissance de ce groupe. C'est pour ça qu'il a dit هذا الكلام. Enfin, parmi les poésies qu'il récitait, comme قال حسن البنا lui-même, il a rapporté, ou certains de ses suiveurs, ils ont rapporté, في كتاب حسن البنا بأقلام تلامذته, هذا الحبيب مع الأصحاب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. هذا, c'est très très grave. لماذا؟ لأن الاعتقاد, la croyance, أن النبي صلى الله عليه وسلم, أولا, أنه يحضر هذا المجلس, قولهم هذا الحبيب, أي le prophète صلى الله عليه وسلم, مع الأصحاب قد حضر, أي le prophète صلى الله عليه وسلم, il est présent avec nous. هذا, c'est très très grave. إنك ميت وإنهم ميتون. النبي صلى الله عليه وسلم, il est mort. Il ne peut pas assister à ces assises. Encore plus grave, أن ces assises, dans ces assises, ماذا يقولون؟ وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الذنوب. أي النبي صلى الله عليه وسلم, il assistait et il pardonnait à tous ceux qui étaient présents. Allah subhanahu wa ta'ala قال ومن يغفر الذنوب إلا الله. Celui qui pardonne les péchés, c'est Allah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas pardonner les péchés. Hada, c'est du kufr et c'est du shirk. Aslu da'wat ha'ula al-munharifin, c'est une da'wa quburiya soufiya. Wa sara atba' al-banna ala hadhihi at-tariqa soufiya. Les suiveurs, nafs al-shay. Hada Umar al-Tilimsani, il fait partie des guides de ha'ula. Dans le livre Shahid al-Mihrab, qala fala da'i idhan litashaddud fi an-nakir 'ala man ya'taqid karamat al-awliya wal-luju ilayhim. Ça, c'est le fruit de cette croyance de soufi. Anna 'indahum, il n'y a pas besoin d'avoir de tashaddud, il n'y a pas besoin d'avoir de dureté et de perdre son temps fi an-nakir, ay de blâmer ceux qui ont cette croyance fi karamat al-awliya wal-luju ilayhim. Le fait de demander aux awliya. Al-luju, c'est très très grave. Al-luju, c'est ilallah. Et quand tu as besoin de quelque chose, tu demandes. Quand tu ressens de la tristesse, tu demandes. Tout ça, c'est... On doit demander qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'ouni yastajib lakum. هؤلاء si tu le fais un wali min al-awliya hal as-sufiyya fa'indahum il y a pas besoin d'être sévère fi hada limada lianna aslan hum tarabbaw ils ont été éduqués sur cette voie la voie des soufis qala Allah subhanahu wa ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'invoquer autre que lui limada lianna an-naf' wa ad-dhurr si bi yadillah personne ne peut rien te donner فَإِنْ فَعَلْتَ Et si tu demandes à autre qu'Allah, bien sûr dans une chose qu'il n'y a qu'Allah qui peut te donner, فَإِنَّكَ إِلَّا مِنَ الظَّالِمِينَ C'est une injustice. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ عِنْدَ هَؤُلَا فَلَا لَا نَكِيرَ لَا دَعِي لِلْتَشَدُّلِ Il n'y a pas besoin d'être sévère في هذا. كَأَنَّ c'est un khilaf dans une mas'ala de fiqh où la mas'ala peut pousser à interprétation, à différentes compréhensions. هذا c'est أصل الدين. C'est دعوة جميع الأنبياء والمرسلين. أما إهمالهم للتوحيد كذلك جرهم إلى انحرافات كثيرة vu qu'ils ne donnent pas d'importance au tawhid ils ont délaissé la voie des prophètes et des messagers في هذا الباب العظيم ça les a poussés à beaucoup d'égarements parmi ces égarements الدعوة إلى الديمقراطية الإخوان المسلمون ils appellent à participer aux élections ils appellent à la démocratie إلى آخر قال فريد عبد الخالق أحد قادة الإخوان un de leurs guides, de leurs imams dans le livre الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ إننا نريد تحقيق الديمقراطية وعودة الحياة النيابية والديمقراطية لا بديل لها انظر qu'est-ce qu'il propage نريد qu'est-ce qu'il veut تحقيق الديمقراطية donc هذا سنمتخ ماذا أن تذكرون أن من أصولهم أنه il faut instaurer un état islamique. لا تظن que c'est un état comme il y avait à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. En appliquant le Coran, la Sunna, والولاء والبراء, etc. أبدا. لا. L'état islamique pour eux c'est une démocratie. فلهذا قال والديمقراطية لا بديل لها. Rien ne peut remplacer la démocratie. أين القرآن؟ أين السنة؟ أين tout ce tapage que l'Ikhwan ils font pour instaurer un état islamique أنهم يكريتيكوا les gouverneurs لماذا لأنهم يزابليك با لا الشريعة إلى آخر أين هم من هذا ça nous montre أنهم كذابون والله même si الحاكم il appliquerait الشريعة القرآن والسنة il le critiquerait et il ferait tout pour se rebeller et c'est ce qu'ils font contre المملكة العربية السعودية يطبقون الشريعة ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم لكل خير ومع هذا est-ce qu'il ne les critique pas لماذا لأن العربية السعودية لا شك c'est un état islamique ولله الحمد et كذلك les autres pays muslims c'est des pays muslims لكن العربية السعودية يطبقون الشريعة et ils font beaucoup d'efforts في هذا الباب est-ce que الإخوان ils ne les critique pas أبدا بل le pays qui critique le plus c'est le pays qui applique le mieux الشريعة أي السعودية Tout ça pour vous montrer et leur volonté c'est d'appliquer cette démocratie. وقال في نفس الكتاب وتغيير مسار المجتمعات لا يمكن أن يقوم إلا في جو من الحرية والديمقراطية. نعم. Pour réformer la communauté, le seul moyen pour eux, كما قال هذا المنحرف C'est la démocratie, l'hurriya, la liberté. وقال يوسف القرضاوي في كتاب أوليات أو أولويات نعم الحركة الإسلامية الواجب على الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة أن تقف أبدا في وجه الحكم الفردي الدكتاتوري والاستبداد السياسي والطغيان على حقوق الشعب. Ça c'est دعوة إلى الخروج. Pour lui, s'il y a un gouverneur, forcément c'est un dictateur. Tant que ce n'est pas une démocratie, tant que ce n'est pas une démocratie fondée sur les principes des kafara, si c'est un gouverneur musulman qui gouverne son pays, c'est forcément une dictature. Si c'est une dictature, il faut forcément le remplacer par un hukm qui est fondé sur la démocratie. هذه هي دعوة الإخوان. قال وأن تكون دائما في صف الحرية السياسية المتمثلة في الديمقراطية الصحيحة غير الزائفة. Et ça, c'est min makrihim. Annahum, ils font croire qu'il y a deux démocraties. Une démocratie qui est mauvaise, qui est fausse. Et une démocratie qui est juste, qui est fondée sur la vérité. Tout ça, c'est du kadhib. La démocratie, c'est batil. Il n'y a pas de démocratie islamique. L'islam, c'est le Coran ou le Sunna. Et ce qui contredit le Coran ou le Sunna, c'est batil. فماذا بعد الحق إلا الضلال. هكذا قال عز وجل. وقال طارق سويدان وهو إخواني له ضلالات كثيرة قال في إحدى القنوات الفضائية أنا من عشاق الحرية أنا أقدس الحرية من عشاق العشق سي أنا مختخط خفور قال أقدس التقديس سي C'est l'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la charia de Allah subhanahu wa ta'ala et c'est tu dois qaddis le haq. Fahou a yuqaddis la hurriya, la liberté. Qala ana indi la hurriya qabla tatbiq la charia. Pour lui, la liberté ça passe avant tatbiq la charia, le fait d'appliquer la charia. Hada c'est min al ikhwan qui sont présents à notre époque. Qala ولذلك أنا من دعاة فتح باب حرية التعبير والكلام خلي الناس الملحد يقول رأيه. تأمل هذا الكلام الخطير. C'est pour ça que هو يلابل على liberté d'expression بل سمين دعاة هذه الحرية حتى قال مم الملحد لاتي لو كافر لس لو دير ce qu'il veut. قال خلي الناس تعبد ما تريد أي لس les gens adorer ce qu'ils veulent. ثم استدل بقوله لا إكراه في الدين. الإخوان سمين أبعد الناس عن العلم الشرعي والفهم الصحيح كما بين الشيخ مقبل رحمة الله عليه وغيره. فقوله عز وجل لا إكراه في الدين هو إلا كمقيرنا لا إكراه في الدين donc tout le monde peut adorer ce qu'il veut. هذا c'est très très grave. وكذلك قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلى السيتي بعض الأدلة qui ne sont pas à leur place. وقال هذا المنحرف المجرم قال جزء آخر من قضية الحرية بالنسبة لي هي الحرية المتعلقة بالتعبير أي لفت دابلي اتاكسبتي هذه الحرية ست ليبرتي التعبير أي لا ليبرتي ديكسبرسيون tu peux dire ce que tu veux. قال من حق الناس أن تقول ما تشاء في غير الفساد الأخلاقي et ça c'est un point très très important et tu le trouves في الإخوان المفلسين qui vivent en France et autres. Leur da'wah est axée sur le bon comportement. Et ils donnent aucune importance, ou peu d'importance au tawhid et à l'aqid. فلهذا عند هذا الخبيث يقول أن la liberté d'expression, il appelle à la liberté d'expression si غير الفساد الأخلاق. Bien sûr, tant que ce n'est pas dans les mauvais comportements. أما في الدين, فماذا قال? قال الدعوه إلى الأفكار الاعتراض على الدولة. أي, pour lui, la liberté d'expression... Tu peux t'attarder à la doula. Tu t'opposes au gouvernement. Tu t'opposes au gouverneur. Ça fait partie de la liberté d'expression. Et c'est un droit pour lui. S'opposer même à l'islam. Celui qui veut s'opposer à l'islam avec une parole, avec un dire. C'est un haq. Ça fait partie de la liberté. N'a'oudou billah. Et sma'ou. قال ما عندي مشكلة فيه. Pour lui, il n'y a aucun problème. قال حتى الاعتراض على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال حتى الاعتراض على الله. Même s'opposer à Allah سبحانه وتعالى. Si tu veux t'opposer, ça fait partie de la liberté d'expression. Et هكذا على رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا الكلام العلماء ولله الحمد ردوا عليه وبينوا حاله. Et il a sorti un autre kalam que son intention, c'était kada, que sa parole elle a été déformée. Sa parole, on l'a cité bin nos, walillahi l'ham. Lakin hakada al-kadaba. Hakada kadalik man ahmal al-tawhid. Wabta'ada an aqidati al-salaf al-salihin. Hakada, celui qui ne donne pas d'importance au départ, à l'aqida, au tawhid, en suivant la voie des prophètes et des messagers, fata'amalu ha'oula. Où est-ce qu'ils sont arrivés? Anahum, ils appellent à la rébellion contre les gouverneurs, à instaurer un état islamique et la akhira. Fanduru, qu'est-ce qu'ils permettent aux gens? Ça montre des contradictions très très claires. Kadhalik min usul, ha'oula al-tullal, parmi les fondements de l'ikhwan, aqidatu al-takfir, wa al-khuruj ala al-hukam. Ils ont cette aqid, takfir al-muslimin, et kadhalik, la rébellion contre et gouverneur. قال حسن البنا وسنتوجه بدعوتنا الى المسؤولين من قادة البلد وزعمائه فان اجابوا الدعوه وسلكوا الغايه آزرناهم وان لجؤوا الى الروغان وتستروا بالاعذار الواهيه والحجج المردوده فنحن حرب على كل زعيم او رئيس حزب او هيئه لا تعمل على نصره الاسلام ولا تسير في الطريقه لاستعاده حكم الاسلام اي اما tu es avec eux اما si tu es contre eux فils sont prêts à prendre les armes et à se rebeller. هذا من اصول الاخوان. وقال ايضا في رساله التعليم ومن حقها اي الحكومات الاسلاميه اي les pays musulmans متى ادت واجبها الولاء والطاعه والمساعده بالنفس والاموال. Il faut comprendre de ce kalam, et s'ils sont d'accord avec eux, il y aura l'obéissance et l'entraide, etc. قال فاذا قصرت اي سي ils n'obéissent pas au principe des ikhwan, فالنصح والارشاد ثم الخلع والابتعاد. Et c'est des menteurs في قولهم النصح والارشاد. بل quand il y a une force, une possibilité de se rebeller, de salir l'image d'un gouverneur ou d'un pays musulman et d'être la cause de manifestations de révolte, sur ma effusion de sang, tu trouveras Al-Ikhwan, c'est toujours les premiers. Fihada. Fala taghtar, akhi al-Karim, bidawat Al-Ikhwan. Aïe, leur soi-disant appel à instaurer un état islamique, à appliquer à Al-Sharia. Faqad wassalu ila sulta fi ba'd al-buldan. Dans certains pays, ils sont arrivés au pouvoir, que ce soit en Égypte ou autre, c'est-à-dire au Soudan. Ils étaient arrivés au pouvoir. Wallahi ma nasaru l'islam. Wa ma da'u ila tawhid. Ils n'ont détruit aucun mausolée. Ils n'ont pas combattu le shirk. Bel, leur première cible, c'était Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Leur première cible, c'est ceux qui appellent et qui appliquent l'islam al-Sahih. أما المعاملة الصحيحة مع ولاة الأمور فالحمد لله on l'a expliqué dans plusieurs livres. ونستفيد من هذه النقولات عن حسن البنا les paroles qu'on vient de lire de حسن البنا il appelle à la rébellion et à rejeter, à combattre tous ceux qui s'opposent à leur groupe الإخوان. نستفيد من هذا أن حسن البنا lui-même il avait هذا الفكر الخطير أي التكفير والخروج على الحكام. Contrairement à ce que pensent certains que c'est Sayyid Qutb qui a emmené هذا الفكر alors que Hassan al-Banna il appelait pas هذا. Abadan. Bel, dans ses livres, des paroles claires que Hassan al-Banna lui-même il avait هذا الفكر. لكن Sayyid Qutb جدد ونشر et avec البلاغة qu'il avait, avec l'éloquence qu'il avait et les livres qu'il a écrits, il a propagé le fikr de son shir, du mu'assis et du fondateur Hassan al-Banna. قال السيد قطب في ظلال القرآن هذه المهمة مهمة إحداث انقلاب إسلامي عام غير منحصر في قطر من قطر دون قطر مما يريد الإسلام. هذه غايتنا أو هذه غايته العليا ومقصده الأسمى. Le principal but عند السيد قطب, le principal objectif du muslim, ça doit être les coups d'État, les révolutions, la rébellion contre les gouverneurs. Et pour eux, c'est un inqilab islamique, ça englobe tous les pays. Là, tu as dans le bilan de Kouf, là, c'est un inqilab islamique et harb ala les musulmans, et pour combattre les gouverneurs musulmans. Amma al-kafara, ils sont fi aman. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الإخوان سدي خوارج ني أكن ضد في هذا. أنا الإخوان في باب التوحيد والمعتقد سدي أشاعرة, في باب التوحيد سدي صوفية, في هذا الباب العظيم سدي خوارج أي par rapport au gouverneur. قد يقول قائل أن قصد السيد هو بلاد الكفرة واحد يبس demander لكن سيد قطب ce qu'il voulait par هذا الكلام c'était بلاد الكفر. تأمل قوله في ظلال القرآن قال إن المسلمين الآن لا يجاهدون ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون. Pourquoi on a cité هذا النقل ? Pour montrer أن السيد قطب كان يعتقد أصلا qu'il n'y a pas de pays musulman, qu'il n'y a pas de musulman, فضلا un pays musulman, un gouvernement musulman. لماذا قال المسلمون aujourd'hui ne font pas le jihad ? Pourquoi ? Pourquoi les musulmans ils ne font pas le jihad عند السيد قطب ? لماذا ؟ لأنه il n'y a pas de musulman. Et هذا c'est تكفير عام للمجتمعات. قال إن قضية وجود الإسلام وجود المسلمين هي التي تحتاج إلى اليوم إلى علاج. Pour lui, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit régler, c'est trouver des musulmans. Quand on trouvera des musulmans, on pourra parler de jihad. هذا سمنتر تكفير واضح. وقال أيضا في ظلال القرآن إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. On parle de son pays, Misr. Alors que Misr, à son époque et jusqu'à aujourd'hui, c'est un pays musulman. Avec des faiblesses, avec des manquements. Comme dans beaucoup d'autres pays. Là, c'est un pays musulman. Et on doit obéir au gouverneur. Et on doit faire des efforts. Celui qui peut conseiller, conseille. Et on doit. La principale chose, et donner de l'importance, c'est le tawhid ou l'aqid. Thumma, les autres choses, ça viendra avec Ibnillah Azza wa Jalla. Amma, inda hada at-takfiri, pour lui, c'est un mujtama' jahili. C'était pas un mujtama' de musulman. بل عند السيد قطب الثورة التي قام بها الخوارج على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه c'était من روح الإسلام c'était une révolution islamique روح الإسلام l'âme de l'islam dans cette révolution contre qui est-ce que c'était contre un kafir contre un juif contre un chrétien là c'était contre الصحابي الجليل Cet homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a marié deux de ses filles. Min al-mubashirin bil jannah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé al-jannah alors qu'il était vivant. Sayyid Qutb il a décrit la révolution contre Uthman bi qawlihi qala wa akhiran tharat al-tha'ra. Na'am, wa akhiran tharat al-tha'ira 'ala Uthman wa ikhtalata fiha al-haqq wal-batil wal-khayr wash-shar walakin la bud لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرن أن تلك الثورة في عمومها كانت ثورة من روح الإسلام. Il a commencé son kalam en même s'il y avait des manquements, même s'il y avait des choses mauvaises, il a akhiré. Lakin personne ne peut nier pour Sayyid Qutb en cette révolution contre Sayyid Qutb, c'était une révolution كما قال من روح الإسلام. L'âme de l'islam dans cette révolution. Est-ce que الإخوان Quand ils appellent à se rebeller, ils visent les kuffars. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, ma salima min sharri haoula. Et tu trouves, كثير من الإخوان, أنهم, ils défendent Sayyid Qutb في هذا الباب. Et ils essayent de trouver des interprétations, il est akhir. Alors que le kalam, il est واضح. فبهذا يعلم أن الثورات التي قامت في زماننا, أي من الخوارج والتفجيرات والانقلابات, هي التطبيق لما في كتب هؤلاء. Tout ce que tu vois الآن, من الثورة، que ça soit le printemps arabe, que ça soit فتنة الخوارج, القاعدة, il y a quelques années, ou ce qu'on vit aujourd'hui avec تنظيم داعش, avec le groupe de داعش, هؤلاء كلهم تكفيريون والخوارج, ils appliquent les commandements de Sayyid Qutb et des Ikhwan, la غير. C'est pour ça que ne soyez pas étonnés quand vous entendez l'ulama dire القاعدة c'est des Ikhwan, Osama bin Laden c'est un Ikhwani. داعش سدي إخوان لكن طبقوا vu qu'ils ont du طيش ils se précipitent ils l'arrêtent ils appliquent à la lettre ce qu'ils ont trouvé dans les livres des إخوان أما الإخوان ils avaient une méthode pour faire couler le sang indirect passer par les élections ثم au départ des manifestations soi-disant pacifiques ثم petit à petit à la fin le résultat il est le même ce qui s'est passé le nombre de morts dans ce qu'ils appellent le printemps arabe la révolution des إخوان C'est beaucoup plus que probablement ce que le Qaïda et Daesh ils ont tué comme personne. Enfin, le résultat c'est le même. Lakin al-usloub et بعض الناس ils sont fi ghafla. Ils sont dans l'insouciance et ils ont du mal à comprendre مثل هذا الكلام. قال أبو الأعلى المودودي dans le livre تذكرة دعاة الإسلام دعوتنا لجميع أهل الأرض أن يحدث انقلابا عاما في أصول الحكم الحاضر. هذه هي دعوة الإخوة. Un appel à faire des coups d'État, des révolutions partout. Limada, on répète les annahum yukaffirun al-hukam. Et yukaffirun kathir min al-muslimin, kadalik. Et le fruit de هذا الكلام, c'est ce qu'ils appellent الربيع العربي. Et c'était du damar, inqilabat, qatl qital, irtialat, etc. Attentat tuerie. Le fruit de هذا الكلام, de al-Maududi et d'autres min al-Ikhwan. C'est pour ça que du'at al-Ikhwan, qu'al-Qardawi, ou Mohamed al-Arrifi, ou Salman al-Awda, ou Abdelaziz al-Tarifi, ou autres min al-Dullal, c'est pour ça qu'ils ont accepté هذه الثورة, toutes ces révolutions. Youssef al-Qardawi قال يسمونني خطيب فتنة. Et صحيح, خطيب فتنة, surtout pendant la période des révolutions, le printemps arabe. Quand il faisait le Jumu'ah, il parlait que de cela. Il appelait les gens à se révolter. Il a dit, « Qala yusammounani khatib fitna. » Il m'appelle khatib fitna. Un prêcheur de la fitna qui appelle au trouble. « Qala ana wallah min awwal khutaba al fitna. Walan atanazal an khutba al fitna hadhi. » Il a dit, « S'il m'appelle prêcheur de la fitna, il a accepté. » Il a dit, « Naam, je suis un prêcheur de la fitna. » Et pour lui, si la fitna, c'est de combattre les gouvernants injustes, c'est le premier prêcheur de la fitna. Et là, chaque année, c'est... من رؤوس هؤلاء قال ما دام هذه هي الفتنة فاللهم احييني من خطباء الفتنة وامتني معهم واحشرني معهم سفيه طائش انه الى في الدعاء كالله سبحانه وتعالى il le fasse mourir avec les prêcheurs de la fitna et que le ressuscite avec les prêcheurs de la fitna وقال سلمان العودة هذه ليست فتنة وانما هذه ثورة الى اخره ثم il a parlé en bien des révolutions dans les pays arabes. وهكذا نبيل العوضي قال وهذه ثورات مباركة. C'est des révolutions مباركة. هؤلاء مع هذا الكلام, tu les trouves en les victimes et les proies c'est الشباب. Tu trouves des jeunes qui ne connaissent pas la gravité et les égarements de cette secte. Et Naomi pense vraiment que هؤلاء ils sont sur la vérité et هم نعم ils se rebellent. Bardoum, ils se font emprisonner, bardoum, ils se font tuer, bardoum, ils se blessent, il a akhri. Thumma des familles en deuil, alors que haoula, wallahi, bardoum, c'est des millionnaires. C'est des millionnaires, et ils sont tranquillement chez eux, et ils appellent au char. Si c'est min al-jihad et si min al-haq, falimada haoula, ils ne sont pas descendus dans la rue, avec leurs enfants et leurs familles. Abadan, abadan. Et même si, parmi eux, il se met en avant et même s'il se fait assassiner, ça restera un égaré. Il y en a, c'est pas un moyen. Tout ça, c'est min al-fitna. Lakin, pour vous montrer, ils sont mauvais, ils font du mal aux autres. Wallah musta'an. Ma yata'allaq bi Sayyid Qutb, on avait fait une kalima. Dalalat Sayyid Qutb. Walillahi alhamd. Et on avait détaillé kathiran. Lianna, tu as d'autres groupes, tafarra'at, des branches de l'Ikhwan. Parmi ces branches, Al-Qutbiya ou Al-Sururiya. Al-Qutbiya atba' Sayyid Qutb et Al-Sururiya atba' Muhammad Surur, Zayna Al-Abidin, Al-Munharif. Et, walillahi alhamd, on a détaillé ma yata'alaq bil-Qutbiya dans une kalima qu'on a déjà propagée. Et Muhammad Surur, c'est un des suiveurs de Sayyid Qutb, c'est le même manhaj. On finit avec un dernier asl, وهو بغض العلم والعلماء. أن جماعة الإخوان, ils sont pas حول العلم. Ils font aucun effort dans la science. بل, ils critiquent et ils combattent العلم والعلماء. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى في حكم الجماعات وآثارها على بلاد الحرمين مما يميز الإخوان عند أو عن غيرهم أنهم لا يحترمون السنة ولا يحبون أهلها وإن كان في الجملة لا يظهرون ذلك لكنهم في حقيقة الأمر لا يحبون السنة ولا يدعون لأهلها نعم ça c'est من مميزات الإخوان أنهم يرسبكتوا pas السنة ils aiment pas ceux qui appellent السنة لماذا لأن السني s'il appelle السنة forcément il mettra en garde contre الإخوان et s'il met en garde contre الإخوان il va s'opposer au principal fondement le fait de rassembler. Allez, هذا الإخواني, la chose qui déteste le plus, c'est الجرح والتعديل. Quand tu dis Foulan, là, c'est un égaré. Là, Foulan, c'est un munharif. Comment on va se rassembler? Ils détestent هذا. Ils sont arrivés à un niveau, et on le voit par rapport aux du'at de l'Ikhwan en France, Hassan Iqusan, Ismail Mounir, Rachid Al-Jay, Abu Hudayva, il a agré, ha, oulaz des Ikhwan, ta'atharou bil Ikhwan, qu'ils le veuillent ou non. Même si, par exemple, ils disent là, je fais partie d'aucun groupe. Et ils ont comme référence, القرضاوي وسلمان العودة اكسيتيرا. سي بور سا كو هؤلاء يدتس الان حتى الكلام في اليهود والنصارى يزاكسبتو با بوغ اوس لا ديفيزيون. لماذا؟ لانهم يزون سو برانسيب يفو كون سو راسامبل. وكذلك سي بور سا كي كومبات العلم والعلماء ايز ابل كا ان بوين هوم سي لو بون كومبورتمون. Et ça dépend des pays, ils s'adaptent. Dans certains pays, ils appellent aux révolutions clairement. En Occident, c'est plus le bon comportement. Hatta, ils ne se font pas remarquer. Même à Al-Mumayya, qui est en France, tu les trouves à Nahom, ils ne parlent sur personne, ils appellent au respect. Wallahi, là où tamakkanu. Et ils pourraient, tu les trouveras, ça serait les premiers à appeler à la rébellion contre les gouverneurs musulmans. Et aux révoltes et tout ce que ça implique. Et c'est. Le dernier point qu'on verra fi at-talawun insha Allah ta'ala. قال فتجد بعضهم انه لما بدا يقرا كتب السنه مثل صحيح البخاري والحضور عن بعض المشايخ في قراءه بعض الكتب حذروه وقالوا لا ينفعك وماذا سينفعك صحيح البخاري. هذا سي ان ريسي ك الشيخ صالح حفظه الله تعالى يرapporte ان il a connu des personnes qui ont fait des efforts pour assister à certains durus de certains savants au domaine de Shaykh dans Sahih al-Bukhari, et بعض الاخوان ils leur ont dit ماذا ينفعك, qu'est-ce que tu vas profiter de ces durus et qu'est-ce que tu vas profiter de ces hadith dans Sahih al-Bukhari. قال الشيخ مقبل رحمه الله واكبر برهان على انحطاط دعوه الاخوان المسلمين وانها اصبحت الان ليست على شيء نفروا او نفور العلماء المبرزين منهم. ça c'est من اكبر الادله انهم ils ont pas de savants معهم. بل tous les savants qui connaissent حال الإخوان, ils mettent en garde contre l'Ikhwan. Même si au début certains savants ils ont parlé en bien de Hassan al-Banna ou de Sayyid Qutb ou Jama'at al-Ikhwan, لماذا؟ لأن le groupe il n'avait pas encore fait apparaître ses égarements. أما à notre époque ولله الحمد, tu trouves أن les savants qui connaissent حال هؤلاء ils mettent en garde. لماذا؟ لأن les égarements ils sont clairs dans le tawhid, dans l'aqida, dans le manhaj par rapport au gouverneur, il est akhir. Akhiran, al-ikhwan, ils sont connus par al-talawun. Al-talawun, c'est le fait d'avoir plusieurs visages. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كما في كتابه البركان الذي يكون مع الإخوان لابد أن يكون له 40 وجها. Celui qui fréquente al-ikhwan et qui rentre avec al-ikhwan et ça devient ikhwani, فلا بد ان يكون له 40 وجه 40 visage. صحيح un visage avec اهل السنه, un visage avec الروافد الشيعة, un visage avec les juifs, les chrétiens, un visage avec الصوفية. الاخواني يتادبط. لماذا؟ on répète لان le but de la jamaa, le principal objectif, le principal fondement, c'est le rassemblement. Quand ils ont de la قوة, quand ils ont de la force et ils peuvent passer à l'action, ففي هذا الحال ils font beaucoup de mal à اهل السنه. Et في هذا الحال, ils appellent directement à la rébellion contre le gouverneur. C'est ça, منهج الإخوان باختصار. C'est pour ça que الإخوان يستعملون التقية بعضهم. تقية الشيعة الروافض. وبعضهم, quand ils arrivent dans certains pays, ils savent qu'ils ne peuvent pas tout dire. فيستعملون التقية. Comme leurs frères الشيعة الروافض. Et هنا, on n'a plus le temps. Et on essaiera de faire une kalima sur Al-Ikhwan, Al-Muflisoun, qui vivent en France. Comme Hassan Kyusan, comme Ismail Mounir, comme Boussanna, il a akhir. Ha'oula min du'at Al-Ikhwan en France, et qui propagent هذه Al-Afkar. Lakin, ils ont leur méthodologie. Et ce point Al-Talawun, le fait d'avoir plusieurs visages, ça s'applique sur eux. Tu trouves à eux, Ismail Mounir Samoumayya, Mounharif Bal, quand tu l'entends, tu ne penses pas que هذا, il peut avoir comme référence Salman Al-Aouda, Al-Takfiri Al-Qutbi. Et dans une de ses vidéos, un de ses audios, Ismail Mounir, il cite clairement Salman Al-Aouda. Alors que Salman Al-Aouda, l'un, il est en prison en Arabie Saoudite, c'est un Takfiri, il a appuyé les révolutions, il a akhiri. Lakin, Al-Kuffar, ils veulent هذا. Ça les dérange pas. Al-Kuffar, ils ont appuyé le printemps arabe. Alors que, à la tête du printemps arabe, c'était Al-Qutbiyin, Al-Khawarij. C'est pour ça que, Al-Insan, là, il y a Il se dit, mais si vraiment ils ont ces idées, comment la France elle les laisse? La France, c'est ce qu'ils veulent. Bilal Koufa, c'est ce qu'ils veulent, diviser les musulmans. Le jour où ils n'auront plus besoin d'eux, vous verrez qu'ils les remplaceront par d'autres. Enfin, Ismaïl Mounir, il a comme référence Salman al-Aouda et Kadalik Youssef al-Qardawi. Aoula qui appelle à tout ce qu'on a cité. Et dans une kalima, Inch'Allah, quand on aura le temps, on essaiera de faire un cours sur l'Ikhwan al-Muslimoun fi Fransa en citant Aoula et leurs principes et la akhiré. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق الخاتمة نكونكلو هذا البحث المختصر بكلام جميل ومثال طيب يوضح حال هذه الفرقة c'est un résumé de ce groupe cet exemple que العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى il a cité كما في مجلة الجامعة الإسلامية 1402 قال جماعة الإخوان المسلمين كرجل بنى مسجدا في سوق غاص بالناس ثم وقف بينهم يدعوهم إلى الصلاة قائلا جماعة الإخوان c'est comme un homme qui a construit un masjid بنى مسجدا في السوق dans un marché et dans un marché il y a de tout des hommes pieux des pervers des hommes femmes Certains qui ont un bon comportement, mauvais comportement, muhim. Cet homme qui a construit ce masjid dans ce souk, il appelle haoula à rentrer dans ce masjid. Qal yad'uhum ila salat. Plutôt, il les appelle à faire salat dans son masjid qu'il a construit. Qailan falyati kull wahidin ala ma huwa alayh. Il va dire à Haoula, qui sont présents dans son marché, venez tous faire salat dans ce masjid, peu importe votre situation. قال المتوضب وضوءه والمحدث بحدثه بل وحتى الحائض والنفساء. Et il ne fera pas de différence. Il va appeler tout le monde à faire salat. Celui qui a le wudu, alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Celui qui n'a pas le wudu, il va lui dire c'est pas grave. بل celui qui est en état de janaba, il va lui dire c'est pas grave, fais salat. بل حتى المرأة الحائض والنفساء. Même la femme qui a ses monstrues, ben, tu trouveras Hadra, je lui dirai, c'est pas grave. C'est pas grave, faites ça là. L'essentiel, rentrez tous et on montre aux gens qu'on est beaucoup dans ce masjid. C'est exactement cela, da'watu al-ikhwan. Qali annana lanarud ahadan. Et cet homme, il dira, je peux pas repousser quelqu'un. Ça ne se fait pas. Exactement, hal al-ikhwan. Ils ont plus ce principe de al-wala wal-bara, al-amr bil ma'ruf, wal-nahi anil munkar, al-nasiha. التميز الثبات le fait de discerner entre le vrai et le faux appeler au convenable mettre en garde contre le char les mauvaises choses ils ont plus هذا. Ils pensent qu'au rassemblement au rassemblement autour de leur fondement autour de al-jama'a autour des pensées du fondateur Hassan al-Banna قال اذا قصدنا خلق مجتمع إسلامي عام شامل أو إذ قصدنا خلق مجتمع نعم قال إذ قصدنا خلق مجتمع إسلامي عام شامل وكلنا إخوان مسلمون ولا داعي للتشدد لأن التشدد يفرق بين صفوف المسلمين ثم سيكر كان يدي مي Pourquoi tu dis à cette femme qui a ses monstrues de faire salat? Pourquoi tu dis à cet homme qui n'a pas l'odeau de faire salat? Pourquoi tu te tais? Ben, qu'est-ce qui répondra cet homme? Le but c'est de faire un mujtama. Qu'on fasse une communauté ensemble. Et on n'a pas besoin d'être dur. On n'a pas besoin de faire fuir les gens. C'est exactement هذه دعوة الإخوان. فرحم الله الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله. فقد نصح وبين رحمه الله تعالى حال هذه الجماعة الإجرامية. Parmi les savants, خاصة au départ, il y a plusieurs années, qui ont montré حال هذه الجماعة Avant que beaucoup de gens, l'un, ils s'aperçoivent la vérité. L'un, wallahilham, beaucoup de gens, ils n'ont plus confiance aux ikhwan. Beaucoup de, wallahilham, de responsables, de gouverneurs, ils connaissent, l'un, leur vrai visage. Beaucoup de musulmans, ils ont vu leur vrai visage pendant les révolutions. Pendant les révolutions et ad-damar, la destruction qu'ils ont amenée. Et beaucoup de gens, ils connaissent leur hal. Cheikh Mohamed Aman, rahimahullah, il faisait partie de ceux qui ont mis en garde au départ, rahmatullah alayh. Falihada tajid, anna l'ikhwan المسلمين parmi leurs pires ennemis, c'est Cheikh Mohamed Aman Al-Jami. يطعنون فيه بالشدة بل يلقبون كل من حذر منهم من أهل السنة والحق بالجامية. C'est pour ça que tu trouveras Al-Ikhwani, comment il appelle Al-Sunni? Al-Jami. لماذا؟ لأن الشيخ محمد أمان رحمة الله عليه جاهد un jihad عظيم contre هؤلاء ولله الحمد نحن aujourd'hui استفدنا كثيرا من كلامه. وأخيرا après هذا البيان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا فلا يجوز لأحد أن يدعي أن الإخوان المسلمين من أهل السنة والجماعة. Personne n'a le droit après cela de prétendre que الإخوان ils font partie de أهل السنة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ليس صوابا أن يقال إن الإخوان المسلمين هم من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة. Comment dire que هؤلاء c'est أهل السنة ou ils font partie de أهل السنة alors qu'ils combattent أهل السنة. Ils combattent أهل السنة ليلا ونهارا. لماذا؟ لأنهم ils savent très bien que أهل السنة c'est eux ولله الحمد بإذن الله عز وجل qui montrent l'égarement de cette jama'a. Et ils sont la cause que cette jama'a elle n'arrive pas à faire beaucoup de choses qu'elle espère. Tout ça بإذن الله عز وجل. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله عن جماعة التبليغ والإخوان. Est-ce que ces deux groupes ils font partie des 72 sectes égarées؟ فأجاب رحمه الله كما في شرح المنتقى تدخل في الاثنين والسبعين ومن خالف عقيدة أهل السنة والجماعة دخل في الاثنتين والسبعين. نعم تدخل في الاثنتين والسبعين. Donc ces deux groupes ils font bien partie des 72 sectes égarées. وهذا لا شك فيه. Avec tous ces fondements, tous ces principes qu'on a cités, leur مخالفة dans العقيدة et dans المنهج, فإن يا أكان دوت. فالنصيحة للجميع بالاجتهاد في دراسة عقيدة السلف. On doit faire des efforts, يا إخوان. Cette étude qu'on fait ensemble sur les groupes égarés, c'est pas des simples informations. Wallahi, on n'est pas à l'abri. جماعت الإخوان الآن, elle est propagée, ce groupe, il est propagé dans la plupart des pays musulmans. Et كذلك dans les pays في الغرب en Occident. Et أفكار الإخوان, ils sont très répandus. فلهذا on doit apprendre notre عقيدة. On doit apprendre منهج السلف الصالح en revenant aux savants de la sunna. Et on doit faire attention à هذه الأفكار. Combien de gens ils sont tombés في فكر داعش à cause de l'Ikhwan en lisant des livres de Sayyid Qutb. Au départ, ربما il écoute Al-Qardawi ou un tel. ثم فلان il a parlé de Sayyid Qutb. ثم il écoute ou il lit plutôt des livres de Sayyid Qutb et il trouve ce qu'il voulait. ما يتعلق بالجهاد لريفولوسيون انه يا با مسلم لا سيتواسيون لي كاتاستروفيك الحمازمون ثم تدخل هذا الشاب اي باس على اكسيون. فلهذا on doit faire des efforts pour apprendre notre din et كذلك apprendre les fondements de هؤلاء. Et c'est le but de notre étude ensemble dans هذه السلسله sur les sectes في الاسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.